Tu l'entends pas mal, tu l'as enregistré? Ça fait 9 mois à peu près. Moi, ça faisait 5 mois avant d'entrer en studio. Ça fait 9 mois à peu près. Moi, ça faisait 5 mois que j'ai travaillé les chansons. Bien, 8, ça faisait 2, 5 mois que j'ai 9 mois à peu près. Moi, ça faisait 5 mois. 39. C'est ça. Je sais. La cassette, là, la popée. Comment ça marche? Là, on est donne, hein? On l'écoutait, ouais. Toi aussi, tu n'as écouté à 10 ans, à pas bien. Extraordinaire. Ah, capoté. Super. N'importe quand. Fantastique. Train électrique. Sublime. One note. C'est un bijou, c'est une mélodie. Est-ce que je pognais au secondaire avec mon imitation de Bob Binette? Simon-Pierre, j'ai quelque chose de très, très, très heureux pour toi. On est en onde ici à 70%. Ah ben là, c'est tout le temps la même affaire, faut pas le dire trop fort là, parce qu'il faudrait pas que les gens ici soient tristes là. Studio, tiens, ça devrait y aller. Simon-Pierre, collaborateur précieux, quelqu'un d'intelligent, un cerveau sur pattes. Ici, on va pouvoir revenir, nous, avec notre tradition. Ça s'en vient, ça s'en vient. La toune, voilà, ah, t'es pas fin. Notre toune d'aime 70%. T'es pas fin, elle est pas bonne. Elle est pas bonne, cette toune-là. Mais on l'aime. On l'adore. Ouais. Le gars qui chante, il est hot. Le gars qui chante, c'est un de mes idoles. C'est vraiment pas bon. Ah, mais je veux dire, ça gagne. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui à 70%? Moi, j'ai quelque chose sur les pandas. Et puis, ma marque de la semaine, c'est Coup de force avec le très, très, très régulier Roddy Piper et l'infect Billy Blanks. Super. Alors, moi, je vais enchaîner. Bien évidemment, j'ai plusieurs nouvelles avec moi, toujours plus insolite, plus comique. J'ai notre comique de la semaine. Ah oui. Et j'ai préparé une petite pensée que Pascal va pouvoir avec nous... Sinon, peut-être Yvonne, qui est ici en studio, en tant que... Elle fait des signes non de la tête, ça veut dire qu'elle veut. Hein, les filles sont comme ça, des fois. Alors, Yvonne, spectatrice, ça va bien, Yvonne? Elle fait signe que oui, ça veut-tu dire que non, ça? Yvonne va bien. Pascal, t'enchaînes avec... Avec ceux qui sont accros au cybersexe, un institut qui a été mis sur pied pour eux par quelqu'un de très spécial. Voilà, très bien. Intéressant, la curiosité est créée. Vous allez rester avec nous pour l'heure qui s'en vient. On va commencer en musique, comme d'habitude, avec le John Spencer Blues Explosion. C'est un groupe qui est vraiment, vraiment à découvrir. Vous allez voir, la première s'appelle Butter. On vous revient à 70%. Pesant. Alors bonjour public aimé, nous sommes en direct du vernissage de l'exposition de Bastien Donovan chez Hutchinson. I got a feeling ahead. ils attendent. Possible qu'ils soient si nerveux que toi. Va te faire voir, je suis pas nerveux. J'ai commencé à faire ça, t'étais encore un ado boutonneux. Pourquoi boutonneux? Et qui c'est, le cadavre? Un copain. Où est la marchandise? Tout est là-dedans. Parfait, alors tu vas me la montrer. Non, toi d'abord. Non, toi. On va discuter comme ça encore longtemps. C'est vrai, t'as raison, ça suffit. Tommy, c'est quoi la marde de la semaine? Cette semaine, donc, tel que mentionné précédemment, je vous ai amené un film de Billy Blanks et Roddy Piper. C'est une marde en bonbon qui date de 1995. Là, je vous lis simplement le dessus. On va revenir plus tard, plus en profondeur, au cours de l'émission. Coup de force, version française de Back in Action. Un policier, un justicier seul. Ils sont imbattables, ensemble. Ils sont invincibles. C'est comme, tu sais, l'upgrade. Tu passes de imbattable à invincible. Et puis là, ben, ce qu'on peut voir sur le dessus, c'est Billy Blanks en bédaine pour rien qui est dos à Roddy Piper en bédaine pour rien. Les deux tiennent des armes à feu et il y a des explosions de feu en arrière. C'est ridicule. C'est totalement infect. Tiens, Yvonne, t'as vu toi aussi, hein? Il est beau, hein, le monsieur en bédaine, hein? Gars, il est musclé. Tommy, sur une échelle de 0 à moins 10, combien tu y donnes? C'est un moins 6. Mais il y a du bon crunchy audio, puis je veux dire, quand que j'amène des mardes à la radio, je me dis, je vais essayer de trouver du crunchy audio, comme c'est qui le cadavre? Un copain. Ouais, c'était pas mal. Ouais, mais, c'était guéri. Okay. Et puis tout le long de l'émission, on va entendre des extraits, c'est ça? C'est notre nouvelle formule, 70%. On compacte ça en une heure pour que ça soit plus hardcore. Formule améliorée. On invite des babes aussi. Formule améliorée, zéro calorie, c'est parfait. Voilà. Zéro calorie. C'est 70% jazz. On commence tout de suite avec Pascal et sa chronique sexe. Est-ce que Pascal se sent prête pour faire sa chronique sexe? Toujours prête. Hey boy, oui, toujours prête. C'est une belle invitation. Vas-y Pascal, on est dans ton univers chronique sexe. Bon, ben les accros du cybersexe, il y en a beaucoup qui connaissent ça. Tu sais, quand on chatte sur Internet puis qu'on a des petites conversations érotiques avec monsieur et madame tout le monde, ben aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, en Californie, il existe un hôpital qui est situé sur les côtes de San Francisco. Il a été fondé par une ancienne actrice porno qui s'est convertie en mère Teresa. Elle s'appelle Kimberly Young. Je sais pas si... Ça me dit rien. Ben moi non plus, j'ai essayé de faire des recherches puis j'ai rien trouvé d'elle, là, mais j'ai une photo ici, regarde. Ah là, ça me dit quoi? Ouais, je tu l'as vu? Je suis visuel, tu sais. Fait que c'est ça. Elle, c'est une clinique qui s'occupe uniquement des victimes du boom du sexe en ligne par l'intermédiaire de nouvelles technologies. Pour 10 000 piastres, l'internaute compulsif sexuel, c'est comme ça, c'est ça le nouveau nom pour ça. C'est un nom scientifique, attention. Internaute compulsif sexuel. Ouais. Il peut aller là, puis se faire traiter, puis retrouver une vie normale. Sauf que là, il y a des nouvelles technologies qui ont sorti. C'est plus rien qu'on chatte, puis on parle. Non, non. Là, il va avoir à composer avec une nouvelle affaire que ça va être assez difficile de traiter le monde, je pense. Parce que maintenant, avant, on pouvait pas ressentir rien. Il fallait juste l'imagination. Ben aujourd'hui, depuis quelque temps, sûrement que vous en avez déjà entendu parler. Je vous apprendrai rien. Ben peut-être. on peut maintenant ressentir au toucher devant son ordinateur. Oui, il y a des vagins qu'on peut plugger dans son clavier et des pénis aussi qu'on peut... Dans son clavier, dans un port USB. Ouais. Vrai? Ben oui. Moi, je pensais que t'étais vulgaire gratuitement comme non, ça. Non. C'est pour vrai, ça s'agit. Il y a deux sites principaux qui sont office de précurseurs, digitalsexation.com et safesexplus.com qui vendent des objets de plaisir à connecter justement dans ton ordinateur. Tu te connectes à Internet ensuite, puis grâce à un système vraiment rudimentaire, un internaute à l'autre bout de la planète, mettons que ton chum est en voyage d'affaires super loin, puis Colin, que tu t'ennuies, mais tu veux pas le tromper, tu l'appelles, chérie, sors donc ton vagin en plastique. Pardon. Que je te trompe pas. Moi, je vais sortir mon pénis que je vais sucer, puis que le vagin va se resserrer pendant que je suce le pénis, le vagin va se resserrer dans les mêmes pressions les mêmes, toutes que je fais. Ouais. Puis elle peut utiliser le pénis comme le gars, il peut faire comme un mouvement quelconque. Pardon, j'ai pogné la grippe. Ouais, les chats sont communs, là. Fait qu'il peut influencer sur le rythme du vibromasseur de sa partenaire, puis elle peut justement influencer la pompe du le robot sock, ce qu'on appelle. C'est. C'est à. Okay. La suction du robot va. Lui, ça va faire une suction sur son pénis, comme. Fait que là, t'es en train de nous dire que pour ne plus être addict au cybersexe, ben. Non, mais là, je suis en train de dire. Je suis en train de dire que l'hôpital de la star porno, ben, il va falloir qu'il fasse des nouveaux traitements pour ça. Pis surtout que c'est une star porno qui te donne des trucs à ne plus être addict au sexe. Ben, c'est ça, c'est quoi, un petit peu... Elle était tannée d'être rejetée parce qu'elle commençait à être trop vieille pour l'industrie. C'est comme mes madames... C'est comme mes madames, là, qui faisaient le... Tu sais, là, la... Ouais, le site pour les porn stars chrétiennes. C'est ça. Ouais, c'est... C'était beau, de toute beauté. Il y a aussi un vagin vibrant en plastique, la moustache vibrante de Monsieur Jack, l'excitateur de tétons, puis... T'as peu... On va juste réfléchir à la moustache. T'sais, excuse-moi, t'sais, tu passerais-tu ta moustache USB, s'il te plaît? Ouais, je vais la laver. Ça se lave-tu, ces objets-là, d'ailleurs? Ben, sûrement, si tu veux pas avoir des germes dessus, t'es obligé de les laver, mon grand. C'est une question niaiseuse. Tu laves-tu ton pénis? J'aime mieux pas le dire en onde, c'est mon petit jardin secret. Mais aussi, ils ont starté une combinaison en néoprène, je sais pas si ça se dit comme ça. Il y a 36 stimulateurs dedans, puis c'est un suit que tu mets. C'est développé par Vivid Entertainment. Déjà, c'est de plus en plus sexy. Là, tu mets ton suit avec plein de suces internes, je sais pas trop comment ça marche. Là, t'as l'air d'un homme grenouille là-dedans. Oui, ça me fait penser au film Le Cobaye, ça, une nouvelle qui avait été écrite par Steven Spielberg. On se rapproche de plus en plus. La vérité. Fait que ça ressemble à ça. C'est Stephen King qui avait Stephen King, oui, excusez-moi. Mais fait que ceux-là qui ont des problèmes avec le cybersexe peuvent toujours aller à San Francisco visiter Madame Kimberly Young. Et sinon, en attendant, rappelez-vous que fellation du matin repose le vagin, sodomie du soir repose la mâchoire. Moi, je les adore, ces proverbes. T'as-tu pogné ça dans un fortune cookie? Ça serait spécial. Simon, une petite nouvelle avant qu'on écoute une toune? On y va en toune tout de suite. Là, on va relaxer les esprits. C'est quoi ça va être cette fois-là? Ça va être I Am, la saga. Ça a été chanté avec le Wu-Tang Clan. Vous allez voir, c'est pesant ça aussi. On va vous revenir juste après avec des tounes un petit peu plus vaseuses parce que là, il faut rester... À 70% de moyenne au total. Voilà, donc on vous revient, ça sera bon. Yo, I am sons of men from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. In the beginning there was darkness, then came light. I grabbed the mic, then dish your ass just for spite. What? You can't fuck with the flows I bring. Watch the staff I swing. It's Timbo King, astonishing. I'm dramatic to the ear. Television tells lies to your vision. So beware of the technology set forth to fool the mind. If you're dumb, you're lost. If you're wise, you will find that poison is a devil's substance. Made for scratch, cause one rotten apple destroys the whole batch. You scratch, I throw jabs to your jaw so quick. You get bashed in the head with a stone-faced brick. Went thick like molasses, deeper than the earth's mantle. Roy, you take over, stampede, trample those who force teach, tell lies to the youth. I branch out, my roots run deep, here's proof. À 17 ans, je me suis fait une raison. J'étais un petit con, un nerveux spasme. On fit le baston et je frappais un coup de pied dans la table. Volé, envelimé par la négativité. Tant d'échecs, tant de défaites. On forgeait le mordant pour encaisser les coups de ma mentalité. Fauché sans occupation, il n'y a pas pire. Je ne possédais rien et je voulais fonder un empire. J'ai persisté, dit des trucs vrais et été épisté. J'ai insisté et le groupe Payama a existé. Pour de bon, j'étais sincère, j'écris des vers pour mes pères. Et il n'y a que qui flippe derrière de l'attention, ils se foutaient. Donc j'ai roulé pour ma poire comme le gaz. Les intouchables faces de mes phrases, j'ai même changé d'avis pour la saga. C'est plus j'y revenais quand tu allais, j'y retournais. I am sons of men from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of men from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of men from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of men from the royal fam. Never ate ham, never. never gave I'm a damn. I'm blowing niggas out the frame. Now what's my motherfucking name? I'm playing niggas like a boy game. You can't fuck with the drunk Dreddy Krueger. Blow, blow. Two slugs for my Ruger and I'll move ya. Yo. I write rhymes when I'm sober, say it when I'm drunk. The Buddha monk got the skunk. Yo, I smoke niggas like kryptonite blunts, dog bitches like Snoop, fuck them on my stoop. Then yo, I step the gates in troop to see my nigga, the jizzer who had my bulletproof. My bulletproof. Vest for my chest to relieve some of my stress. And now I'm safe from my neck to my waist, but still I gotta worry about a nigga catching me in the face and beat the case just cause he had pace. Get it straight. Yo, I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am sons of man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. La route vers le but fixé est longue et périlleuse. Souvent bordée de tavernes aux enseignes lumineuses. Et c'est dur de résister à l'invitation de rester posé sur le rail comme un wagon. Telle une flèche filée droit sur la cible. Ignorer les ragots est la seule solution possible. Le temps passe trop vite pour que j'y prête une attention quelconque. Je sais qu'en fait tout le monde veut la même chose, mais personne ne veut que tu l'obtiennes avant les autres. Partant, je roule pour moi, fils. Tant pis pour les autres si la médisance est leur hobby favori. Je suis sorti de cette période néfaste où tu te prélasses. En attendant que tout se fasse, j'avance fort de mes expériences passées. Je souris en voyant ceux qui s'empressent d'y aller. Alors? Eh ben, je trouve qu'on est bien avancé. Maintenant, on va s'entretuer et personne ne prendra le pognon. Tout est là. Tu peux vérifier. Ouvre-la. Va te faire voir, t'as qu'à l'ouvrir, toi. Très bien. Comme tu veux. T'as envie que je te crève? Vas-y, bouge, te gêne pas. Il l'a éventré. Juste pour que je le voie. Les enfoirés, ils ont voulu nous piéger. Cassadia encaissera jamais ça. Oh, s'il encaissera quand il verra que j'ai le pognon. Ouais, mais on a paumé la cam. Non, je l'ai, la cam. Alors, c'est tout bénef. Je m'en fous du bénef. Il faut que j'aille à l'hôpital. Je vais perdre tout mon sang. Et moi, j'ai pas de temps à perdre, Trick. Il est peut-être mort, il faut que je sache ce qui s'est passé. Là, je te trouve incroyable, tu as failli te faire tuer à cause de ce minable. Oh, je t'en prie, arrête avec tes sermons. Tu les écouteras, ces sermons, je suis ton frère, la seule famille qui te reste. Une station de radio de Sacramento, en Californie, a licencié 10 employés, dont les 3 animateurs de sa tranche matinale, après la mort en direct d'une auditrice, oui, dans un concours d'absorption d'eau. Les 3 autres de Morning Rave, qu'on pourrait traduire par délire matinal, ont été congédiés mardi, au lendemain de l'annonce par la station de la suppression de l'émission et de l'ouverture d'une enquête sur la mort de Jennifer Leah Strange. Strange, 28 ans, était l'une des 18 participants venus tenter de gagner une console Wii de Nintendo. Ses concurrents devaient ingérer autant d'eau que possible et tenir le plus longtemps possible sans aller se soulager aux toilettes. Ce concours avait été bêtement baptisé « Hold your Wii for a Wii ». Ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais qu'on pourrait traduire littéralement par « Retiens ton pipi pour une console Wii ». Durant l'épreuve, les participants avaient 2 minutes pour boire une bouteille de 22 centilitres d'eau, avant ce qui fait 220 millilitres en fait, avant d'en boire une seconde après une pause de 10 minutes et ainsi de suite. Selon des témoins, Strange pourrait bien avoir avalé près de 5 litres et demi d'eau. Et l'un des concurrents a même déclaré qu'il semblait malade. Ben là, 5 litres et demi. Ça commence à être rough. Ça commence à faire beaucoup. 220 millilitres, en fait, c'est 2/3 d'une bouteille de bière environ. Ouais, okay. Bon, alors à l'issue du concours, Strange a appelé son travail pour dire qu'elle était malade et qu'elle ne viendrait pas. Elle a été retrouvée morte à son domicile 5 heures plus tard. Aïe, aïe. Une autopsie préliminaire réalisée par le service médico-légal de la ville a permis de déterminer qu'elle était morte par intoxication par l'eau. Boire une quantité d'eau, en effet, peut entraîner un déséquilibre rapide des fonctions vitales, en provoquant notamment un gonflement cérébral qui peut à son tour conduire au coma ou même à la mort. Wow, ouais. Strange avait même montré aux autres concurrents des photos de ses garçons et de sa fille pour lesquelles elle participait à son concours. Oh. Pour lui trouver la console. Dans l'espoir de leur gagner la console. Nintendo, oui, d'une valeur de... $250. Vive 70%. C'est triste. Vive 70%. J'ai peut-être ici des statistiques intéressantes pour justement continuer sur la Wii. Parce que je vous ai parlé avant Noël, en fait, de la console PlayStation 3 qui faisait l'objet de des mesures sur eBay et entre autres. Eh bien, au mois de décembre, Nintendo a vendu 604 200 consoles Wii aux États-Unis, supplantant Sony qui a écoulé 490 700 PlayStation 3. Pourtant, on n'a jamais entendu parler de la crise du Wii, puis il n'y a personne qui a fait la file pour acheter des Wii. Probablement parce que l'offre était là. Mais ce qui arrive avec PlayStation, comment ça se fait qu'il y en a vendu autant puis qu'il n'y a pas de jeu à part le jeu de football? Ah ben ça, hein? PlayStation, je veux dire, c'est une paire de lunettes de soleil que t'achètes avec ça, puis un trench coat et puis de la coolness. Là, c'est plus une attitude que... Là, c'est le fan de jeux vidéo qui parle. Moi, je suis un gros fan de Nintendo et voilà. Sinon, d'autres petits chiffres comme ça. Même Bill Gates, en fait, qui est le boss de Microsoft. Microsoft qui a sorti la Xbox 360 en novembre 2005. Eh bien, même Bill Gates est impressionné de la façon que la Wii va aller et reconnaît... la hotness de cette console-là, c'est spécial, pareil, qui vante son principal concurrent, parce que PlayStation 3, à la lumière des chiffres qu'on a ici, sont vraiment laissés derrière. Tommy, je t'arrête là. Hotness, ça peut se traduire par chaudure. Chaudure, merci. Excellent. Eh bien, sinon, peut-être au niveau général, pour tuer un petit peu de geek qui est en chacun de vous, 3,7 milliards de dollars en décembre, ça, c'est la quantité d'argent que les êtres humains, ceux de notre race à nous, ont investi dans les jeux vidéo. C'est une progression de 28% par rapport au mois de décembre 2005. Attends un peu, le jeu vidéo, tout ça, est-ce que ça inclut tous les objets USB dont Mademoiselle parlait tantôt? Je pense que ça doit les inclure. ça doit expliquer pas mal pourquoi ça... Et puis, ben, c'est ça, au niveau mondial, pour l'année dans l'ensemble de l'année 2006, les ventes ont grimpé de 19%, ce qui est considérable, pour passer à 12,5 milliards de dollars. Ça, c'est quand même une industrie qui est en révolution. Ouais, bravo. Oh. C'est quand même pas mal d'argent. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je vais vous parler ici de coup de force avec Billy Blank. Je vous lis le résumé en arrière parce qu'il y a tout le temps ça. Hein. Tu l'as pas fait tantôt? Non, ce que j'ai lu, c'est la petite phrase sur le dessus. Un policier, juste à côté de deux fois bravo de Siskel et Ebert, il est écrit un policier, un justicier. Seuls, ils sont imbattables. Ensemble, ils sont invincibles. Si je m'en vais au verso, on a un justicier solitaire, un flic aussi costaud que rebelle. La justice a un nouveau visage. Ces deux hommes sont sur le point de faire exploser le milieu criminel de Los Angeles. Ah boy. OK, coup de force avec Roddy Piper. Là, je prendrai pas beaucoup mon souffle, je vais y aller vite, fait que vous le réécouterez deux fois si jamais. Roddy Piper, c'est le lutteur. Lutteur professionnel et ex-champion de la WWE. Celui que Paul Hogan avait pris pour le marteau pilon, puis là genre son chose avait baissé, son kilt. Oui. Puis c'est là qu'on a su si enfin bon ça coupait là, pour la pause mais parce que continue. Ça dévoilait un petit peu trop parce qu'il s'appelait Piper parce que c'est ça il mettait un kilt et puis comme une cornemuse en anglaise, en fait. Et voilà ça vient de là et Billy Blanks bien sûr l'inventeur du Taibo et l'ancienne mascotte de Subway avant que Jared prenne sa place. C'est un champion américain de karaté catégorie poids lourd. Oui, c'est quand même une machine à tuer ce Billy Blanks là. Donc Frank Rossi, Roddy Piper est détective suite au meurtre de son partenaire et ami de toujours par une bande de truands, il a décidé d'éliminer ce gang de vendeurs de drogue. Il ne sera pas seul sur le sentier de la guerre. Billy Blanks, ça j'aime ça quand l'acteur pis son personnage ont le même nom. Ouais, c'est pas mal. T'sais. Un pro des arts martiaux mène lui aussi son combat contre la même gang, contre le même gang, ouais, pardon, pour protéger sa sœur. Mais quand la petite amie, Bobby Phillips, de Frank et la sœur de Billy, tombent dans les griffes de ces monstres, les deux hommes s'unissent leur force, bien sûr, et rien ne les arrêtera pour détruire l'armée de criminels qui les sépare des femmes qu'ils aiment. Amateurs de sensations fortes, vous en aurez pour votre argent avec ce film d'action qui vous en mettra plein la vue. Mon cul! C'est de vraie marde, c'est pourri, c'est loadé de stéréotypes. On a commencé un petit peu... C'est pas bon, j'ai rien d'autre à dire, là. Je veux dire, faut vivre avec, là. C'est du moins 6, il y a pas beaucoup de spectaculaire, mais ce qui est le fun, c'est le body movie, tu sais. OK. Quand les deux héros, ils se donnent des tapes dans le dos en faisant des blagues, puis que ça finit sur un petit solo de guitare. Ouais. C'est ça, puis là, c'est de toute beauté. OK, gars. Mais pourquoi pas moins que moins 6? Il manque d'originalité. Quand moi je donne des notes plus basses que moins 6, faut qu'ils me rendent ça mauvais d'une nouvelle façon que j'ai pas encore vue à date. Et puis là-dedans, c'est sûr que t'as des munch. OK, ouais, mais ça veut dire que tu donnes les pires notes, celles que tout le monde veut voir, c'est ça, au premier film que t'as vu. Ben non. Ben oui, parce que si tu dis que ça manque d'originalité et puis que... Oui, mais c'est parce que avant de commencer ça, j'ai eu une culture cinématographique qui m'ont poussé à expandre mon champ d'horizon, sans parler du fait tout simple que, je veux dire, mes notes sont fluctuables. Donc, le moins 6 que j'ai donné au départ était peut-être moins 8, mais là, je veux dire, on a tellement vu une munch, à un moment donné, ça n'a plus rapport. De toute façon, t'es réécoutes. Bon, ben, avec plaisir. Ce qui permet de réévaluer pour arriver à une certaine justesse au grand plaisir de nos auditeurs de 70. Tout à fait. Ça. Excellent. Est-ce qu'on va en chanson? Comme tu veux, une nouvelle ou une chanson? Une petite nouvelle, fais ça vite. Petite nouvelle. Bon, eh bien, on parlait de monde de la drogue et de tout ça. Michael Vick a dû se résoudre. Vous connaissez Michael Vick? Non. C'est le corps arrière des Falcons d'Atlanta. Oh. OK, puis on se demande s'il devrait pas être running back, c'est parce qu'il porte très bien le ballon. Alors, Michael Vick a dû se résoudre tout récemment à remettre à des agents de sécurité de l'aéroport de Miami une bouteille d'eau qui avait des odeurs de marijuana et contenait une substance dans une cachette. Oh non! La police a indiqué jeudi qu'il faudra peut-être des semaines avant de savoir si des accusations... Des semaines. Avant de savoir si des accusations seront portées à l'endroit du corps arrière des Falcons, c'est la répugnance de M. Vick à remettre sa bouteille de 20 onces qui a éveillé des soupçons. Ouais, j'avoue, hein. Donne-moi ta bouteille d'eau. Non, c'est la mienne! C'est ça, ouais, mais c'est parce qu'il y a des odeurs bizarres qui sortent de là, en tout cas. Il a ensuite été en mesure de prendre son avion en direction d'Atlanta. La substance douteuse était cachée par l'étiquette de la bouteille de sorte que celle-ci paraissait remplie d'eau lorsque maintenue droite. Ah, boy, hein. Ouais. Je sais pas, t'es corps arrière, là, au football. Trouve des meilleures solutions pour cacher tes affaires. C'est ça, ou sinon, si bon, Chris, t'es pas capable d'avoir deux dealers dans deux villes différentes. Ouais. Non, mais on s'entend-tu que... pendant une semaine, ça peut s'arriver, ça. On s'entend-tu que les boutiques qui vendent des trucs pour cacher ton stock, les polices, ils vont les visiter des fois. Pour avoir à prendre les trucs, eux autres. Bah, OK. Fait que ça devient plus ben des trucs. La canette de Pepsi, tout le monde la connaît. De toute façon, il aurait dû passer par l'aéroport de Montréal. Avec le dernier bye-bye, on a vu qu'il y a moyen de... Il y a moyen de quoi faire. C'est ça. Fait qu'on va écouter un petit instrumental rapide de Jane's Addiction. On vous revient juste après à 70%. Merci les collaborateurs. Merci Yvonne. Elle est là. Qui peut être identifié et qui peut servir entre une pensée dans son essence et une pensée matérialisée, c'est la densité, la forme. Alors, ils peuvent, d'ailleurs en général, ils se servent de cette formulation pour se faire connaître. Parce que pour eux, venir sur le plan physique, dans un véhicule physicalisé, matérialisé, c'est parce qu'ils ont un programme particulier, soit qu'ils aient à rencontrer une personne, ou qu'ils aient à faire des expériences à l'école, je sais pas moi, chercher dans les champs, dans l'environnement physique humain, des pièces pour étudier. Mais s'ils veulent se manifester... Hey Tom, avant que j'aille en nouvelle, c'était qui ce débile-là? Bernard, c'est quoi son nom? Bernard de Montréal. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui fait des conférences, qui est vraiment payé pour nous éveiller à la présence des extraterrestres. C'est comme la prolongation 2000 de Richard Glenn qui pognait dans les années 80. Là. Bon, très bien. Grosse moustache et fadeur au rendez-vous. Là. Bon, très bien. OK, bon, non, alors j'y vais en nouvelle. Racla-t-il? Vous vous rappelez de Monica Lewinsky? Oui. Oui, la fellation présidentielle, n'est-ce pas? Alors, mademoiselle Lewinsky, l'ex-stagiaire au centre d'un scandale politico-sexuel qui avait failli coûter son poste au président Bill Clinton en 98, est à présent en quête d'un emploi à Londres après avoir décroché une maîtrise, a fait savoir son agent. Elle a passé sa maîtrise, finalement. Ça étend-tu d'animer un show de radio? Ah, ben oui, peut-être. En tout cas, oui, Barbara Hudson a déclaré qu'elle était à la recherche d'un emploi. Barbara Hudson, c'est son agent. Sans préciser combien de temps sa protégée comptait rester en Grande-Bretagne, Monica est aujourd'hui âgée de 33 ans et elle a obtenu le mois dernier son diplôme de la prestigieuse London School of Economics. Mais on ne dit pas en quelle spécialité. Ouais, qu'est-ce qu'elle a fait pour l'avoir? Je ne sais pas si elle a eu une mention. Peut-être qu'elle a, ouais, en tout cas. Ouais. Alors, Barbara Hudson a déclaré qu'elle n'accordera aucun entretien à la presse. Ben, pourquoi vous nous en parlez d'abord? Whatever. Bon, restons en Angleterre, beau pays, ça. N'est-ce pas? Un Britannique qui participait régulièrement à des courses à pied, notamment des marathons, tout en touchant des milliers de livres sterling, la monnaie britannique, de pension d'invalidité, a été condamné vendredi à une peine de prison de 10 mois. Monsieur Paul Appleby, 47 ans, a prétendu qu'il ne pouvait marcher sans béquille et était le plus souvent confiné à un fauteuil roulant pour obtenir 22 000 livres, ce qui fait environ 33 500 euros, ce qui fait environ 45 000, tout près de 50 000 piastres par année d'aide entre 2001 et 2005. Mais dans le même temps, il était habitué du club athlétique de Nottinghamshire, qui est dans le centre-est de l'Angleterre. Il y a comme pas? Quelque chose qui ne fit pas. Là. C'est ça. Et il avait même couru le marathon de Londres en 2006 dans le très honnête temps de 3h37. Minutes. Le record du monde est à 2h05 environ. OK, mais malgré le fait qu'il recevait des indemnités parce qu'il avait bien il est invalide. Et ce n'est pas mon comique de la semaine. C'est un miracle. Oui. Ah, tu vas voir, plus beau que ça. Ouais, mais 3h37, c'est pas pire. C'est vraiment très bon. C'est admirable. Alors, M. Appleby avait admis lors d'une audience la semaine passée n'avoir pas notifié un changement dans sa situation et a été condamné vendredi par un tribunal de Nottingham. Un athlète avait anonymement déclaré au tabloïd The Sun la semaine dernière. Il s'est fait un nom comme un coureur solide, constant dans la catégorie vétéran, il était sûr de finir dans les trois premiers de la plupart des courses auxquelles il prenait part. Fait que, c'est ouais, un athlète. Je veux dire, il s'entraîne, là, il est pas en chaise roulante pour se lever puis aller courir un marathon. Là. Faut pas que tu tiennes en forme, faut que tu fasses du sport régulièrement. Pas faut du que... tout. Ce gars-là, c'est un athlète. Dans la catégorie vétéran, le marathon en 3h30. Là, non, c'est cas, ça. Bravo. Courez en 5 km, voire. C'est là, ça. Vous commencez à être en shape un petit peu, mais bon, en tout cas. Aïe, aïe. Pascal, la musique mauvaise. Hey, Tommy, cette nuit, j'ai fait un cauchemar. Je me suis réveillée, mes oreilles saignaient. T'avais tellement une toune poche, là. C'est-tu celle qui s'en vient, tu penses? Ah, quoi, c'est pour vrai? Ah, ben là, j'ai amené quelque chose qui s'appelle Disco Tranquille, chanté par Monsieur Tranquille dans les années 70. Ça ressemblait à ça dans mon rêve. Vous allez voir, c'est 3 minutes 44. De funky facile. Okay. Mais moi, j'étais convaincu que tu allais nous me dire c'est Disco Tranquille de Monsieur Tranquille dans les années tranquilles. Oh. Mais bon, ça... j'en ai peut-être échappé un. Ben, en tout cas, on va discuter de ça et me flageller pendant que. Je sais pas, on vous revient à 70% tantôt, ça a de l'allure, ça? Attention, ça fait mal. Ceux qui l'écoutent en différé, QA 3 minutes 30 plus tard sur votre, sur votre gauge de. Et voilà, Disco Tranquille, Monsieur Tranquille, on vous revient à 70%. We'll be right back. Disco, disco funky. Disco, disco funky. Disco, disco funky. J'aime le disco. Disco, disco tranquille. J'danse le disco. Disco, disco tranquille. J'écoute le disco. Disco, ouais. Disco tranquille. J'adore le disco. Disco, disco tranquille. Disco, disco. Disco tranquille. Disco tranquille. Disco, ouais. Disco tranquille. Disco tranquille. Disco, disco, disco tranquille, disco, disco, disco tranquille, disco tranquille. Quelle est cette musique qui chante dans ma tête? Quel est cet air magique qui met mon cœur en fête? Tranquille, ouais. Fou. Que l'on danse entre nous dans les rues n'importe où. C'est le disco. Disco, disco tranquille. Disco, disco, disco tranquille. Disco tranquille. Disco, disco, disco tranquille. Disco tranquille. Disco tranquille, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Mais vous pouvez rester tant que vous le voulez. T'es vraiment un ami. Oui, le fait d'être un ami ne m'a jamais apporté que de bonnes choses. Qu'est-ce que je suis censé faire ici? Rester en vie. Tout est de ta faute. Quoi? Il ne fallait pas venir me chercher. T'aurais préféré te faire tuer? C'est pour ça qu'ils sont tous après moi. T'as rien compris. Tu fiches ma vie en l'air, tu veux régenter le monde entier et tu joues les grands frères protecteurs. Résultat, tu as fait de moi une cible. Plusieurs nouvelles cette semaine. Je pourrais vous parler des bandits brésiliens qui ont agressé une femme pour lui voler ses cheveux afin de les revendre à un salon de beauté, un salon de coiffure quelconque. Je pourrais vous parler du Portugais qui a un aristocrate qui avait plusieurs propriétés, on parle de millions de dollars, qui a légué ça à 70 personnes choisies au hasard dans l'annuaire. Oh, c'est le fun. La personne n'est pas débile, là, c'est la bonté, c'est vrai. Bon, ça. Je vais plutôt vous parler des des questions farfelues que les touristes posent quand ils vont en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est un pays très, très... qui est beaucoup visité. Des questions du style, est-ce que le Pays de Galles est fermé pendant l'hiver? À quelle heure le monstre du Loch Ness fait-il surface? Où est-ce que je pourrais changer mon argent en euros anglais? Qui sont à la livre, comme on a appelé à sa nouvelle juste avant. Mais pourquoi diable est-ce que le château de pourquoi diable le château de Windsor, qui est la demeure de la reine Elisabeth, tout près de Londres, a été construit sous la très bruyante voie aérienne de l'aéroport Heathrow? C'est une bonne question. Ça. Ben c'est parce que le château il date il de 1000 ans. Il était là avant. Ah. C'est tout ce qu'il a posé. Dans quelle ville est installée votre antenne de Tokyo? Dans quel mois se passe la manifestation du 1er mai? De quelle couleur est le cheval blanc de Napoléon? Oui, quel est le prix d'entrée pour Brighton? Brighton? Ben, c'est une ville. Okay, c'est une ville balnéaire, c'est une destination touristique, mais c'est combien ça coûte rentrer dans la ville, voyons donc. C'est ça. Il y a le gars qui n'était pas intéressé ni par Buckingham Palace, ni par Big Ben, dans les années 80, on s'entend, qui a demandé si le centre touristique avait des informations sur Samantha Fox. Retourne par chez vous. Ou le gars qui s'est rendu à Piccadilly Circus, qui est le carrefour londonien assez célèbre, pour demander qu'est-ce qui se produisait au cirque. OK. Puis à quelle heure ça a commencé, il était où? Wayne's World nous l'ont fait v'là 12 ans, celle-là, à peu près. À peu près. Ben, il y a le jeune homme, ça c'est plus excusable, là, mais il y a le jeune homme qui est allé dans la ville de Dundee en Écosse et qui a demandé à rencontrer Monsieur Crocodile Dundee. Monsieur mais, Crocodile, on doit être à la bonne place. Ouais, c'est ça. C'est un petit gars, tu sais. Ça va. Mais il y a quand même les adultes qui demandent au sujet de l'Écosse, est-ce qu'il y a des virages sur les routes là-bas ou bien toutes les routes sont droites? C'est voyons. Et à quelle heure part le train de minuit? Voyons, je la comprends pas, les virages. On peut-tu lui donner des baffes, eux autres? Y a-tu moyen de les rejoindre ou... Ben, ça, en fait, c'est parce que cette nouvelle-là, ça vient d'un article au sujet des gens qui travaillent pour l'Office du tourisme britannique. OK, fait que c'est vraiment des vraies questions qu'on a entendues. Tout est vrai à 70%. Le comic glassman, c'est vrai, les nouvelles, c'est vrai, des affaires dans le même, c'est vrai, c'est débile. C'est juste notre race qui est comme ça, c'est pas de notre faute, là. Moi, bon, c'est assez spectaculaire. Peut-être pour ça qu'on n'a jamais vu les extraterrestres, hein? Ils veulent pas s'aventurer sauf Bernard ici. Pivot, celui qu'on ouais, a lui, eu avant. Ce qui est le strict minimum pour certains, c'est le maximum pour d'autres. C'est l'entièreté de l'existence pour d'autres. Bien dit, bien dit. Tommy, tu vas nous parler de panda? Je vais parler un petit peu de panda, surtout du panda géant. J'en ai glissé un mot la semaine passée. En fait, le panda géant, qui est un des animaux, ben, une des 10 espèces animales qui, selon le WWF, le World Wildlife Federation, va disparaître prochainement. Le nom latin du panda, vous allez pouvoir l'oublier immédiatement, c'est le Eluropoda melanoleuca. En fait, ça veut dire pied de chat noir et blanc. Puis, en fait, c'est un mammifère qui est dans la famille des ours, mais ils se sont obstinés longtemps, les taxinomistes, pour le classer là-dedans parce qu'il y a beaucoup de parenté avec le raton laveur aussi. C'est un gros mammifère qui vit entre 1800 et 3400 mètres d'altitude dans une région centrale en Chine qui est pleine de collines, de montagnes et tout ça. Mm-hmm. C'est là qu'il a retrouvé, en fait, qu'il retrouve son... ben, ce qu'il nourrit, surtout, hein, on parle de bambou ici. Le panda consomme environ 20 kg de bambou par jour. Mm-hmm. Le bambou qui est une plante qui a environ un cycle de vie de 10 ans. Pour dire que ça prend 10 ans à une pousse de bambou avant de faire des enfants. Et puis, ça y prend 10 ans avant de devenir comestible pour le panda. Mais là, Tommy, tu t'en allais-tu nous parler de ceux qui sont dans un cercle, là? Ouais, non, pardon, dans un zoo? J'évolue vers ça. Le nom chinois du panda, je trouve ça assez hot parce que panda, c'est un mot chinois qui veut dire ours-chat. Un ours-chat, parce que c'est comme un gros chat, c'est tout doux. Et voilà, là, je poursuis dans mes affaires. Ce qui est intéressant de noter sur le panda, c'est qu'il passe à peu près 14 heures par jour à mastiquer du bambou, et puis que sa consommation, en fait, son alimentation, contrairement à tout ce qu'on pense, est composée de 95% de végétaux, mais se nourrit également de carcasses. 5% de viande, c'est des carcasses qu'ils trouvent et puis ça l'empêche de forcer beaucoup. Fait assez spécial du panda, c'est que c'est le seul animal qu'on connaît qui a régressé dans la chaîne alimentaire. Être un prédateur, être un ours, être capable de manger de la viande, de chasser sa viande, c'est le sommet de la chaîne alimentaire. Mais lui, il faisait ça et puis il a décidé de retourner à manger des branches. On sait-tu pourquoi? Il y a personne qui sait pourquoi. Si tu veux le découvrir, vas-y. C'est comme le fait que le cri du canard ne fait aucun écho. Personne ne sait pourquoi. Pour vrai? Pour vrai. Si tu veux, tu peux essayer de le trouver. Autre fait intéressant avec le panda, c'est qu'il y a un faux pouce. En fait, un petit peu comme nous, il y a un doigt qui est opposable à ses 5 doigts de base. Il y a comme 6 doigts, mm-hmm. dont un faux pouce. Et puis, ben, c'est ce qui le permet de cultiver son bambou et de le manger à sa guise. Fait intéressant, c'est là que je voulais en amener. Il reste environ 1600 pandas en liberté dans le monde. Mm-hmm. Il y en a plusieurs dans les zoos et tout et tout. Puis, comme c'est un animal qui est en voie de disparition, les zoologues, ils veulent essayer de les faire se reproduire. Ouais. C'est un animal que les mœurs sexuelles extrêmement compliquées. Ils ont beau mettre la femelle à côté du mâle, ça marche pas, il faut qu'ils isolent parce que s'ils se sentent observés un petit peu comme nous les humains, on baise pas en public. En tout cas, idéalement. Certains ne baissent pas en public. C'est ça, c'est ça. Mais eux autres n'acceptent pas d'être regardés. Et puis, ils ont trouvé un truc finalement parce qu'à force d'étudier leur biologie, à force d'étudier leur alimentation et tout, se sont dit on va lui mettre des films de cul. Oui, tout à et fait. Et puis, c'est pour vrai, maintenant, les pandas ont des films sur lesquels il y a des pandas en train de se mettre tout et ça les stimule à faire des bébés. Tout à fait. Grâce à ce nouveau truc, on estime que la population de pandas mondiale est pratiquement sauvée. Ils ont dit ça sur écran géant? Je ne sais pas comment la technique, comment que ça se ramasse, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont aperçus que c'était le bruit des pandas qui faisait la chose qui les tournait le plus « on ». Ah, moi? Donc, vive le son vivide. T'es-tu au courant du couple du couple de panda auquel on a exposé à des films pandographiques que le mâle doit maigrir un petit peu? Ah, non, je sais pas. Parce qu'en fait, lui, il pèse 150 kilos. OK. Et elle en pèse 115. Et alors, pour qu'il puisse aller vers l'acte, il doit perdre au moins une dizaine de kilos afin de ne pas... Pour intimider la femelle trop. Ouais, ou afin qu'elle puisse supporter le poids. Alors maintenant, là, c'est fini les carcasses, juste du bambou. Juste du bambou, on passe au végétarien total. Fait intéressant, c'est que le panda a eu une espérance de vie d'environ 15 ans. Comment ils font pour montrer ça à des pandas 18 ans et plus, des films 18 ans et plus? Toute beauté! On va aller en musique, on va écouter une toune originale d'un groupe qui s'appelle Tears for Fears, qui ont fait le beurre dans les années 80. Cool. La toune que vous allez entendre, ça s'appelle Mad World. Il y a eu une reprise dernièrement, mais l'original, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux gars qui ont fait ça avaient 14 ans, quand ils ont fait la chanson qui s'appelle. Elle est bonne en plus. Elle est très très bonne. Donc on écoute Mad World de Tears for Fears. On vous revient à 70% pour notre comic de la semaine blindé. Oh yes. Blindé. All around me are familiar faces. Worn out places. Worn out faces. Frightened and lit for their daily races. Expression, no expression. Have my head, I want to drown. balancer. Et tout ça par ta faute. Et comme si ce n'était pas suffisant, j'ai toute la presse sur le dos. Je suis obligé de vous retirer l'affaire. Ah, ça, c'est intelligent. Et qui dans cette boîte peut s'occuper de cette affaire, hein? Oh, n'importe qui, du moment qu'il n'est pas buté comme vous l'êtes. Écoutez, c'était mon histoire, ma responsabilité, et c'était mon partenaire. Alors le salaud qui a éventré Wallace, il est à moi, c'est tout. Vous vous fichez complètement des conséquences de vos actes. Regardez-vous. Vous n'avez pas envoyé les meilleurs. Vous n'avez pas envoyé les meilleurs. Il a massacré les deux types que je lui ai envoyés. Vous n'avez pas envoyé les meilleurs. Ça, peut-être que j'arrive pas au bon moment. Ah non, je prenais un bain, tu te plaît. Salut. C'est donc ta seule façon de dire bonjour. Tu es devenu un mec vraiment dangereux. Alors pourquoi tu as tué les guignols dehors? Je me suis demandé qui je devais abattre. Ça n'a pas été facile comme choix. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Les meilleurs, vous avez pas envoyé les meilleurs, c'est de toute beauté. C'était la fin des extraits de Coup de force. -6. Si vous voulez l'écouter, vous avez rien qu'à écrire, à nous appeler 987-3000 poste 1610 ou sinon KERTWIT@commercial.com. Je prends mes emails tous les jours. Je vous invite à venir écouter de la marde chez nous. Surtout si vous êtes sexy et féminin. Ça va mieux ensemble. OK, Simon. Comic de la semaine. J'entends la petite musique. Ouais, attends un petit peu, je vais aller la chercher. Je pèse play. Mm-hmm. Alors, chaque soir, depuis 2 ans, un sans-abri barbu, surnommé The Preacher, s'installe sur une grille de ventilation placée sous la vitrine d'une boutique d'antiquités sur Madison Avenue à New York. Alors, on l'appelle The Preacher parce qu'il a toujours une Bible à la main, mais il paraît que... il sacre au moins autant qu'il prêche. Okay. Et le vrai nom de M. Preacher, c'est Roger Greenlee. Greenlee. C'est ça. Alors, donc, Preacher, sous la vitrine de la boutique, il se trouve une grille de ventilation sur laquelle il s'installe à tous les soirs. Puis des fois, c'est ça, le mercure descend jusqu'à moins 10 degrés, comme c'est arrivé. Et puis, ce qui est le fun, pourquoi qu'il est là, ben c'est que les effluves qui émanent de cette grille-là, ben c'est à 40 degrés à peu près. Oh! Fait que, ben lui, ça le réchauffe. Ça le réchauffe, c'est sûr. Puis ça lui permet de continuer à sacrer. Ça fait 22 ans qu'il est sans-abri, tout ça. Ça fait un bout qu'il est là, mais bon... plus tôt cette semaine, c'est ça, devant la boutique, M. Preacher brillait par son absence. C'était Mo Gelberg qui le remplaçait sur la grille de ventilation. M. Gelberg est âgé de 35 ans. Il n'est pas sans-abri. Il est homme à tout faire dans une synagogue du quartier. Il le remplace. C'est ça. Il dit qu'il est venu passer son heure de lunch sur la grille, là, par solidarité avec le preacher, avec le sans-abri. OK. Preacher a également le soutien de M. Edward Baron Cohen. Est-ce que vous le connaissez? Pas en tout. Vous devriez, parce que c'est un magnat de l'immobilier. Il a 89 ans. Il a régulièrement fait le top 400 de Forbes sur les personnes les plus riches de la planète, des États-Unis, dans les années 80. Monsieur Cohen, il a aidé beaucoup de sans-abri pendant au moins une décennie en lui faisant parvenir de la nourriture, des choses comme ça. Non, c'est noble. Oui. Alors, Preacher a confirmé. Il a dit qu'ils ont été « amis » entre guillemets pendant 14 ans environ. Pourquoi ce soutien? Pourquoi on en parle? De que c'est... Ben oui. Pourquoi c'est le comic de la semaine? C'est pas le comic de la semaine. Mais on en parle à cause du comic de la semaine, par contre. Ah-ha. En effet, notre comic de la semaine, monsieur Carl Kemp, propriétaire du magasin d'antiquité, qui est au 803 Madison Avenue. OK. C'est le chic quartier de Prada. C'est au coin de la 69e, n'est-ce pas? Prada, Gucci, autre Chanel, Chanel. Se ramassent, c'est ça, vendent leur gurlu et leur Pétante, indispensable. Là. Tout à fait. Alors, c'est ça, c'est leur quartier, mais également celui de Preacher qui, au grand dam de M. Kemp, notre comique de la semaine, le retrouve là chaque matin. Donc, mardi dernier, le propriétaire de la boutique a déposé devant la Cour suprême de l'État de New York une poursuite de 2 millions de dollars en dommages et intérêts contre ce sans-abri. 1 million de dollars contre le sans-abri. Ouais, il veut déloger The Preacher de la grille de ventilation. OK. Selon la poursuite, le vieil homme a un comportement antisocial, offensant et répréhensible, qui fait fuir sa chic clientèle. Ah. Oui, par exemple, il boit sur le trottoir, il boit de l'alcool. Oh ben. À même la bouteille. Ah oh ben dégueulasse. Oh non. Et crache. Alors la veille, lundi passé, M. Kemp a tenté d'expliquer sa poursuite aux journalistes locaux en tentant de mettre ça sur le compte de la compassion. N'est-ce pas? Ah, il dit « Je m'inquiète pour la santé de cet homme. Ben ouais. » C'est ce qu'il dit au New York Times. « Il est parfois dehors dans des tempêtes hivernales. » Fait que tassez de la grille, s'il vous plaît. De la grille où il fait chaud. C'est ça. Pour se réchauffer. Ben Monsieur, oui. Monsieur Carl Kemp vend des meubles Biedermeier, des fournitures Art déco et des antiquités de la période classique. Il revend des produits des designers les plus raffinés d'Europe dans ses deux magasins de New York et vous invite amicalement et sans aucune arrière-pensée à venir faire un petit tour afin d'apprécier sa toute nouvelle collection. Coup de publicité! Ah, ben, hey. Alors, Monsieur Kemp, pour toutes ces raisons. Ça n'est beau, ça n'est beau. Comique de la semaine. C'est un beau comique. Hey, merci, Simon, merci. Ça me fait plaisir. Merci. Peut-être le temps d'annoncer rapidement que la semaine prochaine, on devrait avoir André Ducharme de Rock et Belles Oreilles avec nous, mais avant que l'émission ne se termine, Pascal? Oui. Là, je vais partir de la petite soundtrack, là, tu vas voir, ça va être dément. Je sais prendre une pause pour me reposer lorsque cela est nécessaire. Je sais que physiquement, émotivement et mentalement, j'ai parfois besoin d'un petit temps d'arrêt. Si je suis à l'écoute de moi-même, j'en percevrai la nécessité lorsqu'elle se fera sentir. Le manque de tolérance, la fatigue physique, l'incapacité à me concentrer pendant une longue période sont autant de signes qui me renseignent sur mon besoin de repos. Autrefois, je n'étais pas à l'écoute de ce besoin, mais aujourd'hui, je sais qu'il est important et que je dois agir en conséquence si je veux conserver mon bien-être. Étant davantage en contact avec moi-même, je perçois mon besoin de repos et je donne à mon être la pause qui lui est nécessaire. Hey, j'ai envie de pleurer, là. C'était vraiment de toute beauté. C'était la pensée de la semaine. La grosse, grosse pensée de la semaine. Ben, on vient de finir 70%. La formule 1 heure va très bien. Si vous avez des plaintes, n'hésitez pas. Vous pouvez appeler le vendredi soir entre 6h et 7h. Ouais, puis si vous avez des plaintes puis vous savez pas avec qui vous pouvez vous plaindre, ben vous pouvez taper Rento sur le web, E-R-E-N-T-O, parce que c'est une firme maintenant qui loue des manifestants sur Internet. Si vous avez une cause à défendre, une plainte à formuler, eh bien, vous louez vos manifestants et ils viennent. C'est la petite mal. Puis t'as un extra pour chaque tranche de 20 piastres. Sont motivés un peu plus. Ah ben, hey, voyons donc. C'est que le monde s'en va. Merci à Yvonne d'avoir participé et rajouté du charme en studio. Merci à Simon, toujours aussi sexy. Merci à Pascal. Toi aussi, t'es cute. Merci. Fait que là, ben, on vous revient la semaine prochaine, comme je vous ai mentionné, André G. Ducharme de Rock et Belles Oreilles. All right. Merci d'avoir écouté 70%, l'émission la plus solide qui existe de tous les temps, de tous les médiums. C'est quoi ça, cette espèce de bruit de fond gossant? Là, on va changer la séquence de marde de la fin d'émission de côté, tout en prenant le temps de vous souhaiter une excellente semaine. C'est à peu près ça. Merci. Salut. J'ai écouté très attentivement votre exposé. Et selon moi, ça relève du domaine du n'importe quoi. Non, ben non, ah oui, ben tu non. Tu dis pas assez de magazines scientifiques, c'est pour ça que tu dis que c'est du n'importe quoi. Ben non, puis de toute façon, JP2, tu peux pas comprendre parce que t'as un côté fille très développé, ça je te l'ai déjà dit. Ouais, puis qu'est-ce que ça fait, ça? Regarde, là. Regarde, t'as même une belle susceptibilité féminine. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vive le soleil, les papillons et les abeilles. Vive la chaleur et la beauté des fleurs. Cuit, cuit, cuit, pout, pout, pout sur la route. Ding, ding, ding, du camping, du bonheur. Bon appétit. Bzz, bzz, bzz, cuit, cuit, cuit, pout, pout, pout sur la route. Ding, ding, ding, du bonheur. Et Bobino, on vous attend au cinéma à Noël. Papa, donne-moi ça. Papa, je suis une vedette maintenant. C'est moi la vedette.